Space party. Techno is not yet there. Space there. Space there. Space party. Dead. Salut bande de Boufoukesh, amis de l'espace, Cocteau, COCTO dans la radio, Space Party, c'est l'émission qui va vous permettre de péter les plombs à la maison. Space Party, c'est le son des années 90, Space Techno rêve avec le concours dur USA Import. Lorsqu'on se broche sur Space Import, on s'engage à garder la terre verte et accueillante pour y recevoir tous nos amis connus et inconnus de l'espace. Première session de ce Space Party, un petit récapitulatif de tous les titres qui ont branché la techno et qui ont fait le son techno depuis octobre 89, apparition de la techno en France avec Spectrum, Besides et System B. We'll be right back. We'll be right back. Alchimie ne va pas tarder. Moi, j'aime bien, moi. Oui, oui, c'est bien Énergie. Énergie, c'est le Space Party. Toute la nuit, pendant une heure, entre 1h et 2h du matin. Vous aussi, dites oui aux ovnis. I'd like to make this groove sincere. Bass bumpers in the house, we're gonna funk it real. I wanna rock the place. Can we take it to the max? Healing.

Michael Jackson is in heaven now. Is shot dead in front of a live studio audience. We'll be right back.

Le premier Space Party sur Énergie s'achève pour dire oui aux ovnis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Pour toute réclamation, pour toute suggestion à propos de Space Party et l'ensemble de Extravadence, la nuit d'Anne sur Énergie, vous pouvez nous écrire à Énergie 39 Avenue Diana, 75 116 Paris. D'ici là, faites la fête, pas la tête. Bats-toi petit homme, bats-toi petite femme. Il est 2h du mat. Énergie.